Audiomatique. Les électronistes vous accueillent ce soir avec le projet Monolith, incarné par l'artiste belge Eric Van Vontergem. La pièce Blackout que nous écoutions paraît sur le 12 pouces Near Crash EP, qui est la plus récente parution de ce projet qui évolue depuis la fin des années 90. Bienvenue à cette autre transmission de l'émission Audiomatique, que vous l'écoutiez en direct, en reprise les samedis à 20h ou en différé par l'entremise des liens que vous trouverez sur notre profil Facebook. Les électronistes sont heureux de vous accompagner pour la prochaine heure et de vous présenter leurs suggestions musicales du moment, inspirées de la grande tradition de la musique électronique. Trêve de bavardage, laissons maintenant toute la place à la musique, avec cette fois Vibrasphere à Audiomatique. Nous pouvions entendre à Audiomatic le duo suédois Vibrasphere avec leur composition Sudden Comfort, remixée ici par le duo australien Decoy. Cette version se retrouve sur l'album Archipelago Remixed. Pour la prochaine séquence, les électronistes vous proposent d'entendre la musique de deux formations bien connues qui se produiront ce samedi 29 novembre en spectacle au Métropolis de Montréal. Skinny Poppy et Frontline Assembly se retrouveront en effet sur une même scène dans le cadre de leur tournée nord-américaine Eye vs. Spy. Ces deux groupes canadiens qui ont émergé dans la première moitié des années 80 ont une influence majeure sur le développement de la musique électronique, techno et industrielle. Il va sans dire que ce fut toute une tâche pour les électronistes de sélectionner une pièce à vous faire entendre pour chacun de ces groupes à la discographie volumineuse, qui ont d'ailleurs réalisé plusieurs titres à succès dans les années 80 et 90. Ce seront toutefois des pièces composées dans les dernières années que vous aurez la chance d'entendre dans les prochaines minutes, puisque celle-ci risque de représenter davantage le type de sonorité qui caractérisera le spectacle de samedi soir. Voici donc une version alternative de la pièce Angriff du groupe Frontline Assembly, le Radioactive Mix qu'on peut retrouver sur le maxi CD homonyme. Mais tout d'abord, écoutons la formation Skinny Poppy et la pièce Paragon, tiré de leur plus récent album intitulé Weapon. Bye. merveilleux. 89.1. Tout juste avant la pause publicitaire, la séquence se concluait sur la musique de Frontline Assembly. Nous écoutions une version alternative de la pièce Angriff, le Radioactive Mix fait par la formation elle-même, qui se retrouve sur le maxi homonyme. La version originale de cette pièce paraît sur l'album Electronic Improvised Device, sorti en 2010. Auparavant, c'était Skinny Poppy, la pièce Paragon, tirée de leur plus récent album Weapon, sorti en 2013. Rappelons que ces deux groupes canadiens seront en spectacle le samedi 29 novembre au Métropolis de Montréal. Mais ils ne seront pas seuls. Un troisième groupe bien connu les rejoindra sur scène. Soit la formation allemande O-Job. Et la première partie de ce trio d'enfer sera assurée par le duo américain Youth Code. Ce sera assurément un spectacle qui aura beaucoup de panache en nous présentant trois générations de groupes issus de la scène que l'on pourrait qualifier d'électro-industriels. Pour vous donner un aperçu des sonorités qu'a à nous offrir O-Job, les électronistes vous ont concocté, un bloc qui vous tracera un portrait bien sûr imprécis de l'œuvre d'O-Job et de certains projets parallèles nés des entreprises d'un de ses membres, soit Daniel Meyer. Voici donc, pour débuter, O-Job avec Cleaned Visions, Extended Radiation. Thank you. We'll be right back. À Audiomatic, nous entendions pour conclure cette séquence le duo Clean, formé de Daniel Meyer du groupe Hojob et du chanteur Thorsten Meyer. Il nous offrait la chanson Did You Forget, demo version, tirée du premier mini-album de Clean, paru en 1998, soit Designed Memories. Thorsten Meyer a quitté Clean après la parution du deuxième album et maintenant, Daniel Meyer assure seul la responsabilité au sein de ce projet qui a changé de nom à plusieurs reprises, passant de Clean à Cleaner et à Clear Vision. Tout juste avant, il s'agissait du duo Newt, formé de Daniel Meyer, encore lui, et d'Andreas Meyer, qui œuvre aussi sous le nom de Format Tadri. Ils nous présentaient leur pièce Ostad, remixée par le groupe suédois Covenant. On retrouve cette pièce sur le premier album de Newt, paru en 1997, soit Phase Shifting. Et en tout début de bloc, c'était bien sûr le groupe allemand Hojob, qui était un trio à ses débuts en 1993 et qui, depuis 1995, poursuit ses activités en tant que duo, formé de Daniel Meyer et de Dehan Zamarditz. On entendait la chanson Cleaned Visions Extended Radiation, parue en 1996 sur le maxi Cleaned Visions. Rappelons qu'Hojob sera en spectacle au Metropolis de Montréal ce samedi 29 novembre en compagnie de Skinny Poppy, Frontline Assembly et en première partie Youth Code. La transmission 010 d'Audiomatic se conclut ce soir avec une pièce du duo Chris and Kazi. Chris and Kazi, en fait, c'est un couple qui était membre de la formation Throbbing Gristle. Donc, ils ont parti leur propre formation et on entend une de leurs pièces qui est parue en 1986 sur le EP Take 5. La pièce se nomme Send the Magic Down. Les électronistes qui vous donnent rendez-vous mercredi prochain à 18h sur les ondes de CFOU 89.1 FM pour la transmission 011 de l'émission Audiomatic. D'ici là, nous vous invitons à visiter notre profil sur Facebook pour nous joindre, en découvrir davantage sur certains des artistes que nous vous présentons à chaque semaine et pour entendre ou réentendre nos anciennes transmissions en suivant les liens que nous publions sur notre profil. N'oubliez pas que l'émission est aussi en rediffusion les samedis à 20h. Restez des nôtres car les audacieux suivent dans quelques instants. Mais tout juste avant, voici Chris and Kazi. Send the magic down. Through the darkness.